Un peu de rythme là. Bateau char, mais tu joues pas? Boum boum boum jack. J'aimerais te dire. Ok. Désolé, depuis tout à l'heure, ah d'accord. Mais je t'entends, hein ? On t'entend, ça y est ? Je ne suis pas fidèle. n'était rien, promis de tel. Au tout début, tu trouvais ça très bien. Maintenant que tu as oublié, tu trouves que ça marche. Et moi, je vois pas quoi. Je n'y peux rien, c'est ça la vie qui le sort. C'est la vie, ce n'est pas moi. Moi, je voudrais bien être autrement, mais je ne vois pas. Thank you. C'était un texte de Gainsbourg. Je connais même pas la chanson. Te menote à l'heure. Thank you. qu'un humain sur... Je ne suis qu'un humain sur terre. Thank you. la batterie, Mr. Batochard. Yeah. Wouhou, wouhou. Big up. Thank you, everybody. Bonne nuit, Paris. Allez, salut à tous. C'était génial.